Peut-être tu m'essences le bras. Putain de prédation. École bête-moi. Putain de prédation. École détruis-moi. Puis vol de tous ces noms. Et je fidélité et honneur. Ardeur. Stupeur. Splendeur. Des cœurs et des corps. Analyse, révise. Leur putain de bonté. Clémence, retiens-moi. Dénie-moi de tes actes. Et crève l'envie. Devoir, la soirde. Croire, apprendre, comprendre. Putain d'école. École baise-moi. Retiens mon chaud liquide. École baise-moi, autant que je te baise. Pourtant je croupis. Dépéritéré dans l'antre. Quand frais cigales seront hurlés. Tissu et mousépas ne seront durés. Contre toi, putain d'école. École baise-moi, école baise-moi. École baise-moi. Putain d'école. Putain d'école. Putain d'école. Putain d'école. Putain d'école. Putain d'école. Putain de création. Putain d'école. Putain d'école. Putain d'école. Putain d'école. Putain d'école. Putain d'école. Putain d'école. Putain d'école. Putain de création. École baise-moi. Putain d'école. Putain d'école. École baise-moi, école baise-moi, école baise-moi, école baise-moi.